comment vas-tu? Je voulais savoir comment ça se passait. Je t'ai envoyé des messages. Je t'ai appelé plusieurs fois même. Mais tu ne répondais pas, ah babe. Comme si tu n'entendais pas, ah babe. J'ai envoyé des mails pour qu'on partage un bout de sel. Réponds, réponds, réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Mi famille attentat. Quand tu me vois, tu jubiles. Mais montre-moi qui est le mal. Montre-moi ta force vitale. J't'appelle depuis tout à l'heure, dis-moi pourquoi tu ne réponds pas. Et tous mes traitements de faveur t'ont pas rendu dingue de moi. J'suis paranoïaque, j'sais, tu m'étonnes. J'ai mal à la tête, tu me prends pour une conne. Marre de parler à ta messagerie depuis que je t'appelle sur ton téléphone. Réponds, oh, réponds, non, non, non. Réponds quand j'te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle. Réponds, réponds, réponds quand je te parle. Réponds, réponds, réponds quand je t'appelle.